Bien-aimés, je vous dis bonjour dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme vous pouvez le constater ces derniers temps, beaucoup d'enfants de Dieu, dans le monde entier, beaucoup d'enfants de Dieu subissent des attaques, que ce soit au niveau de leur corps. Je vais parler des maladies, des difficultés, ils rencontrent des difficultés, comme si on leur mettait des bâtons dans les roues. Tout ce qu'ils veulent faire, il y a comme une oppression, il y a comme une opposition. Oui, bien-aimés, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Vous savez, le diable est en train de trembler et il est en train de mobiliser les démons et les sorciers pour s'acharner sur les enfants de Dieu. Souvenez bien de Apocalypse chapitre 12, où il est clairement dit « Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, le diable vient livrer la guerre, Apocalypse chapitre 12, aux personnes qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est la raison pour laquelle le diable te déteste. C'est pourquoi tu as attaqué. Parce qu'il veut que tu abandonnes Jésus. Il veut à tout prix que tu abandonnes. C'est-à-dire que ceux qui ont accepté Jésus, le diable les connaît, les démons, les sorciers, ils nous connaissent parce qu'ils voient l'Esprit de Dieu en nous. Parce qu'on brille, parce qu'on a la lumière de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et le diable te connaît. Il sait que tu as donné ta vie à Jésus. Le sorcier le sait. Le sorcier de ta famille sait que tu as donné ta vie à Jésus. C'est pourquoi il te déteste. Parce qu'il ne peut plus régner sur toi. Il va te dire, non, ça c'est des sectes. Il ne faut pas aller là-bas. En fait, parce qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pourquoi il te déteste. Bien-aimé, je veux lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 29. Écoute ce que Jésus te dit. Ce que Jésus te dit, ce que Jésus me dit. Je vous le dis, Marc 10, verset 29. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Avec des persécutions. On aura des frères en Christ, des sœurs, des mamans. On aura des maisons, des terres. On aura des enfants. Mais Jésus dit, vous aurez aussi des persécutions. Une vie en Christ sans problème, sans persécution, ça n'existe pas. Le diable est sur terre. Il sait que tu vas au ciel. Il ne va pas te laisser comme ça en train de danser. Il essaie de te mettre les bâtons dans les roues. En fait, Satan veut combattre ta foi. Ce qui l'énerve en toi, ce n'est pas ton argent. Ce qui l'énerve en toi, ce n'est pas tes voitures, tes maisons, ce n'est pas ton poste de travail. Ce n'est pas ça. Le diable te déteste parce que tu crois, parce que tu as la foi en Jésus. C'est ta foi qu'il déteste. Il veut que tu abandonnes la foi. Il ne te déteste pas parce que tu as eu ton bac. Il ne te déteste pas parce que tu viens de te marier. Il te déteste parce que tu as la foi. Le diable n'aime pas les personnes qui ont la foi en Jésus. Parce que la foi en Jésus te donne droit au salut. Or, lui, il veut que tu sois avec lui en enfer. C'est pourquoi il est mobilisé contre toi. C'est pas parce que tu as l'argent. C'est pas parce que tu es riche. Ce qu'il déteste en toi, c'est la foi. Tu pries Jésus, lui n'est pas d'accord. Tu pries Jésus, tu veux aller au ciel. Ah non, il veut que tu ailles en enfer avec lui. Jésus dit, vous aurez des frères en Christ, dans l'église. Vous aurez des soeurs, vous aurez même des mamans. Vous aurez des terrains, vous aurez des enfants, vous aurez l'argent, vous aurez des maisons. Mais vous aurez aussi des persécutions. On a les persécutions où? Pas au ciel. Sur terre, là où nous sommes. Pourquoi? Parce que le diable a été chassé du ciel, il est venu sur terre, lui et ses démons. Et comme il déteste Dieu, C'est pourquoi toute personne qui dit « Jésus, je t'aime », tu deviens la cible. Tu deviens l'homme ou la femme à abattre. Parce que le diable est Jésus. Il n'aime pas Jésus. Et quand il voit l'enfant de Jésus, il dit « Toi là, ton père m'a corrigé. Ton père m'a chicoté. Je suis devenu moche. Je sens mauvais. Je suis devenu démon à cause de ton père. Il m'a brisé. Il m'a vaincu à la croix. Il est venu sur terre. Moi, j'ai régné sur terre en maître absolu. Et lui, il est venu me vaincre. C'est moi qui tenais les clés de la mort et du séjour des morts. Il m'a vaincu et a arraché les clés. Et comme tu es son fils, comme tu es sa fille, je te déteste. Tu vas voir. Je vais te faire ça dur. Je vais te faire ça dur. Parce que je n'aime pas ton père. Ok, tu es sur terre, moi aussi je suis sur terre, on va voir. C'est pourquoi tu as des persécutions. Il y a un adversaire invisible que tu ne vois pas. C'est lui qui te met les bâtons dans les roues. Parce que tu as mis ta foi à la personne, à Jésus, Jésus qui l'a vaincu. Donc il ne peut que te haïr. Parce que tu es l'enfant de la personne qui l'avait vaincu. Tu es la personne de celui qui lui a arraché les clés. Tu es le fils. N'est-ce pas? Tu es le fils de celui qui lui a arraché les clés. Tu es le fils de celui qui a préparé l'enfer pour lui. Mais Jésus te dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi tous les jours. Parce que si Jésus n'était pas avec nous tous les jours, le diable nous aurait déjà tous égorgés, tout le monde. Quand tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie. Pourquoi? Parce que Jésus te protège. Sinon, Satan t'aurait déjà tué, même quand tu dors la nuit. Il vient t'étrangler. C'est grâce à Jésus que tu t'es levé ce matin. C'est grâce à Jésus que tu as la paix, la joie. C'est parce qu'il est avec nous. S'il n'était pas avec nous, on serait déjà tous morts. Parce que le diable est sur terre pour détruire et égorger. Il est là pour ça. Nous sommes les enfants de celui qui l'a vaincu. Il ne peut que nous détester. C'est pourquoi les hommes qui signent le pacte avec le diable, pitié pour vous, Satan ne t'aime pas. Il va seulement t'utiliser pour que tu sois un instrument qui va lui apporter les âmes. Le diable va te dire, tu veux les richesses, tu veux la gloire, sacrifie les âmes, tu me les donnes. Tu veux la gloire, ok, je vais te donner la gloire, comme ça au moins tu empêcheras les jeunes de suivre Jésus. C'est toi qui vas être l'idole des jeunes. Les jeunes ne regardent plus à Jésus, c'est à toi qu'on regarde. Nous sommes en guerre. Le salut, tu es en guerre contre les ennemis invisibles. C'est pourquoi Éphésiens 6 dit, prenez les armes. Les armes sont dans Éphésiens chapitre 6, les armes que doit utiliser l'enfant de Dieu pour le combat. Il y a un combat. Ne dors pas tranquille dans ton coin. Tu es en guerre, tu es dans un combat. L'église, c'est pas on va dimanche, on va danser, on rentre à la maison, on pose la Bible. C'est pas ça. Il y a quelqu'un qui te déteste parce que tu es le fils ou la fille de celui qui l'a vaincu. Il te déteste. Il va aller dans le feu que Jésus-Christ a créé l'enfer pour lui. Il te déteste parce que tu es le fils, la fille de celui qui a créé l'enfer pour lui. C'est lui qui te persécute. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui me reçoit aura des frères, des sœurs, des maisons, des enfants, des voitures, des maisons, avec des persécutions. Dieu ne te persécute pas. Dieu n'a jamais envoyé la maladie à qui que ce soit. Dieu n'est pas là pour te persécuter. Dieu nous aide. Il a ouvert ses bras comme ça et il nous a pris dans ses bras. Dieu nous aime. La persécution que tu subis là, c'est le diable. C'est pas Dieu. Oh, Dieu a permis ça. Dieu n'a rien permis. Tu es attaqué, point barre. Tu es attaqué. Prends les armes qui sont dans Éphésiens chapitre 6. Dieu ne peut pas permettre, le Dieu d'amour, qu'on vienne torturer son enfant. Qu'on vienne torturer son enfant la nuit. Vous avez des frères et des soeurs qui ne dorment même pas la nuit. Des maris et des femmes de nuit. Dieu n'est pas là-dedans. C'est le diable qui te persécute. Jésus a dit, vous aurez tout, mais avec des persécutions. Dans ton lieu de travail, le chef d'équipe, le patron te déteste que tu n'as rien fait de mal. C'est Satan qui te persécute. Dans ta famille, tu n'as rien fait de mal. C'est Satan qui te persécute. On te critique, les amis au quartier, alors que tu n'as rien fait. C'est Satan qui te persécute. Et quand parfois même tu fais un petit truc qui n'est pas grave, Satan va dramatiser ça. C'est comme si tu as tué tout le monde. C'est le diable qui te persécute. Tu es marié. Tu es fidèle à ton mari. Mais le diable pousse le mari à d'autres femmes dehors. C'est Satan qui te persécute. Tu es là tranquille. Il bombarde les maladies dans ton corps. C'est Satan qui te persécute. Satan te déteste parce que tu es le fils, tu es la fille de celui qui l'a vaincu. Et il ne peut pas oublier ça. Donc Jésus dit, vous aurez des frères et des soeurs de maison et tout, mais avec des persécutions, ne sois pas étonné si tu es attaqué. Ne sois pas étonné. Jésus te prévient. Il te dit, ne sois pas étonné. Oh. Tu auras des frères et des soeurs en Christ. Oh. Tu auras des maisons, des enfants. Tu seras marié. Oh. Tu auras un bon poste de travail. Mais tu seras aussi persécuté. Mais tu es persécuté par celui-là qui a été jeté sur terre. Satan a perdu la guerre au ciel. On lui a fait ça dur là-bas. Et on l'a jeté sur terre, lui et ses démons. Quand le diable regarde derrière, il voit comment l'enfer bouillonne. Il voit comment les flammes bouillonnent. Il dit, merde, je veux aller là-dedans. Ah non, vous là, vous acceptez Jésus, vous allez voir. C'est ce qui se passe. Mais il ne peut rien parce que Jésus avec nous, il est le rocher de notre salut. Ce que Jésus nous demande, c'est de résister à l'oppression. C'est de résister au diable. N'abandonne pas ta foi parce que tu as des persécutions. Et Jésus a dit, invoque-moi et tu seras sauvé. Il faut que tu regardes vers Jésus. Ne mets pas ta foi sur les pasteurs. Ne mets pas ta foi sur les prophètes. Ne mets pas ta foi sur les miracles de X et Y. Mets ta foi vers Jésus. Si tu dois pleurer, va à genoux, pleurer devant lui. C'est Jésus qui pourvoit à nos besoins. C'est Jésus qui pourvoit à ta guérison. C'est Jésus qui pourvoit à ton travail. C'est Jésus qui pourvoit à ton boulot. C'est Jésus qui pourvoit à ton mariage. C'est Jésus qui donne des enfants. C'est Jésus qui donne la santé. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la joie. L'homme de Dieu prie seulement, mais c'est Jésus. C'est pourquoi Satan te dit, va de gauche à droite chercher les impositions des mains. Non, c'est Jésus. Celui qui impose les mains n'est qu'un instrument, mais c'est Jésus qui agit. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, la femme qui souffrait d'une perte de sang, qui est allée vers Jésus, qui a prié pour elle, personne. Cette femme savait bien que les disciples de Jésus sont là. Elle a dit, ma foi est grande, moi je traite ça avec Jésus, je ne vais pas aller voir les serviteurs. Non, non, non, je vais vers Jésus lui-même. Donc, bien aimé, la persécution est là. Ne soyez pas étonnés, ne dites pas, Dieu est avec nous, ou pourquoi on est persécuté. Jésus nous a informés, nous a avertis. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 2, la Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Regardez comme un sujet de joie. J'avoue que c'est dur quand on souffre dans le corps. J'avoue que c'est dur lorsqu'on a des blocages, on veut se marier, on veut un enfant, on veut trouver du boulot. Oui, oui, mais nous devons résister, ce sont des attaques de l'ennemi. Vous avez vu comment il s'est acharné sur Job. Vous avez vu tout ce qu'il a fait sur Job, maladie, il a détruit les biens, il a tout ce qu'il a fait sur Job. Mais Dieu, Job n'a pas abandonné son Dieu et Dieu l'a restauré. La Bible déclare que la bénédiction que Dieu lui a donnée était plus que ce qu'il avait avant. Il y a un temps d'épreuve, il y a un temps d'épreuve, mais Dieu te relève toujours. Dieu te relève, il ne nous abandonne pas et ne t'abandonnera jamais. Quelle est la durée de ton épreuve? Je n'en sais rien. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. N'écoute pas les pensées que le diable met dans ta tête. N'écoute pas ça. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Pas ce que Satan met dans ta tête. C'est ce que je tenais à vous dire. Ne soyez pas surpris des persécutions. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, vous qui croyez en moi, sur terre, vous aurez bien des frères. Vous aurez des soeurs, des mamans. Sur terre, vous aurez des biens, je vais vous bénir. Mais sachez que vous aurez aussi des persécutions. La persécution peut être les maladies que le diable envoie vers toi. La persécution peut être l'enfant qui n'arrive pas à venir, tu veux enfanter. La persécution peut être le boulot qui ne vient pas. C'est une chose, Job a été persécuté. Tout s'est bien parti au niveau de son corps, maladie sur maladie. Mais Jésus l'a restauré. Jésus veut te dire que peu importe ce que tu as enduré, ou peu importe ce que tu endures aujourd'hui, il va te restaurer. Tu ne mourras pas comme ça. Job n'est pas mort par ses maladies. La maladie que Satan envoie sur toi là, ne va pas te tuer. Oh. Ça ne va pas te tuer. C'est une épreuve. Tu seras persécuté, a dit le Seigneur. Jésus ne permettra pas que Satan te tue. Satan n'a aucun pouvoir de te tuer. Donc ne crains rien. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Jésus va te restaurer. Et Satan sera dans l'humiliation totale. Il sera dans la honte. Ce sont les personnes qui ont la foi ferme qui verront la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.